السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، ومن تلكم النعم العظيمة أن أحيانا سبحانه وتعالى لهذا الشهر العظيم، شهر رمضان. فنسأله سبحانه وتعالى كما أنه وفقنا لبلوغ هذا الشهر العظيم، أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال والاستباق في الخيرات، وأن يمن علينا أن نكون جميعا من عتقائه من النار سبحانه وتعالى. Cela étant dit, nous louons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour ses immenses bienfaits qu'il nous a accordé et qu'il cesse de nous accorder et qu'il ne cesse de nous accorder subhanahu wa ta'ala. Que ces bienfaits soient apparents ou cachés, que ces bienfaits soient à travers le fait de nous faire parvenir des choses aimées ou bien de repousser de nous des choses ou des maux par lesquels d'autres serviteurs ont pu être touchés. Et nous comptons sans aucun doute parmi ces immenses bienfaits le fait qu'il nous a permis subhanahu wa ta'ala d'atteindre le mois immense du Ramadan, شهر القرآن, le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois de Qiyam al-Layl, des prières nocturnes, شهر الإحسان, le mois de la bienfaisance envers les pauvres, les besogneux, les orphelins et autres, شهر ذكر الله سبحانه وتعالى, le mois de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est encore plus grand. C'est-à-dire que ce que contient la prière comme rappel et évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le cœur, la langue et les membres est encore plus grand que le profit que la prière a à repousser et préserver le serviteur de la turpitude, qui sont les grands péchés et le mal. Et tout comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de pouvoir vivre une nouvelle fois ce mois béni de Ramadan, nous nous demandons de par sa grâce de nous accorder la réussite dans celui-ci par l'accomplissement et la concurrence dans tout ce qui mène à son agrément subhanahu wa ta'ala, et qu'il accepte cela de nous, nous pardonne nos fautes et nous compte parmi ses serviteurs qui seront libérés du feu bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Donc le sujet qui a été choisi pour cette série de cours du mois de Ramadan sera la citation de certains profits et mérites découlant de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront tirés d'un épître du grand savant, l'imam Ibn al-Qayyim Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, dans lequel l'auteur rahimahullah énumère ce qui se rapproche de 80 profits et mérites découlant de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il cite les différentes formes et manières d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc aujourd'hui commencer la lecture d'une des introductions par lesquelles l'auteur rahimahullah a débuté son épître. Puis par la suite, entrer dans le vif du sujet qui concerne les profits et mérites découlant de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit rahimahullah, Bismillah, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, l'immense. Allah qui est le seul à qui nous demandons et dont nous espérons qu'il fasse de vous ses alliés dans ce bas monde tout comme dans l'au-delà, et qu'il vous recouvre de ses bienfaits apparents et cachés, et qu'il vous compte parmi ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un bienfait, sont reconnaissants, et lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, endurent et patientent face à cela, et qui, lorsqu'ils commettent un péché, demandent le pardon. Car certes, ces trois points sont ceux qui mènent le serviteur à son bonheur et sont le signe de sa réussite dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà. Et aucun serviteur ne peut, à aucun moment, se détacher de ces trois points, car ils tournent constamment autour et entre l'un de ces trois états. Le premier état, des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se succèdent sur lui. Alors, il va préserver ses bienfaits par la reconnaissance, al-shukr, qui lui, al-shukr, repose et est construit sur trois piliers. Premièrement, le fait de reconnaître intérieurement que ce bienfait provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'en faire part et d'en parler de manière apparente, c'est-à-dire de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, et de citer ouvertement que ce bienfait provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Puis de diriger ses bienfaits dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui a fait part et a accordé ses bienfaits, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit rahimahullah. Et si donc le serviteur fait cela, donc est reconnaissant par le fait de savoir dans son cœur que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le dire par sa langue et de le diriger dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et si donc le serviteur fait cela, il aura certes fait preuve de reconnaissance pour ce bienfait avec des manquements dans cette reconnaissance, car il ne pourra jamais être réellement reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il aura fait ce qu'Allah lui a demandé et il sera par cela sur le chemin qui mène à son bonheur et à sa réussite fi dunya wal akhirah. Le deuxième état, des épreuves provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquelles il éprouve son serviteur. Alors, l'obligation qui incombe au serviteur, à ce moment, est de patienter et d'endurer. Et la patience, l'endurance, se fait par trois points. Par le fait de retenir son âme, quant au fait de se mettre en colère face à ce qui lui a été décrété, de retenir sa langue, quant au fait de se plaindre, et de retenir ses membres, quant au fait de désobéir, comme le fait de se frapper le visage, se déchirer les vêtements, s'arracher les cheveux ou autre. Puis il nous dit, rahimahullah. Et donc, la patience, l'endurance, tournent autour de ces trois piliers. Donc le fait de retenir son cœur, quant au fait de se mettre en colère face au décret, car il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sage, le puissant, qui est le doux envers son serviteur, et qui, à aucun moment, ne veut nuire à son serviteur. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cette épreuve, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Donc premièrement, de retenir son cœur. Deuxièmement, de retenir sa langue quant au fait de dire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Puis de retenir ses membres quant au fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cette épreuve par laquelle le serviteur a été touché. Il nous dit, et si donc le serviteur les accomplit, donc ces trois piliers, comme il se doit, alors l'épreuve par laquelle il a été touché deviendra pour lui un bienfait. Et le mal ou la calamité par laquelle il fut touché se transformera pour lui en don, et la chose détestable en chose aimée. Donc pour lui, le mal par lequel en apparence il a été touché sera en réalité un bienfait dans le cas où il accomplit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'accomplir, qui est le fait de patienter et d'endurer. Puis il nous dit, rahimahullah, après cela, des paroles d'une grande importance concernant le fait d'endurer et de patienter face aux épreuves. Il nous dit, rahimahullah, car certes, Allah ne l'a pas éprouvé pour l'anéantir, c'est-à-dire le serviteur qui a été éprouvé et qui a patienté et pour qui l'épreuve devient un bienfait et le mal par lequel il a été touché devient un don. Il nous dit, rahimahullah, cela car Allah ne l'a pas éprouvé pour l'anéantir, mais il l'a seulement éprouvé par cette épreuve pour examiner son endurance et sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala possède, a le droit sur son serviteur à une servitude, une adoration dans l'épreuve et dans la difficulté. Comme il possède, il a le droit à une adoration sur son serviteur dans l'aisance et dans le bienfait. Et il a un droit sur son serviteur quant à la servitude, quant à l'adoration, dans ce que le serviteur déteste, tout comme il a un droit dans ce que le serviteur aime. Et il nous dit, et la majorité des gens donnent le droit, la servitude et l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'ils aiment. Alors que ce qui compte et ce qui est le plus important est de donner le droit à la servitude, à l'adoration dans les situations détestées qui sont les épreuves. Et dans cela, donc, se fait les différences de rang des serviteurs. Et selon cela, se fait la différence de degré qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit, rahimahullah, et quiconque, donc, est un serviteur d'Allah, donc, qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux états, c'est-à-dire dans l'aisance et dans l'épreuve, qui accorde le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, alors celui-là est englobé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Alaysa Allahu bikafin abda » Surat Az-Zumar, verset 36. D'après le sens du verset, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? C'est-à-dire qu'Allah suffit et Allah est garant pour son serviteur pour toute chose dont il a besoin et le préserve de tout mal. Et donc, la suffisance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est complète pour son serviteur est avec ou s'obtient avec la servitude complète. Donc plus la personne sera soumise à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance tout comme dans la difficulté, plus Allah subhanahu wa ta'ala sera garant pour lui et le suffira quant à tout ce dont il a besoin et le préservera de toutes les choses dont il craint. Il nous dit, et donc la suffisance complète d'Allah pour son serviteur est avec ou s'obtient avec la servitude complète. Et la suffisance incomplète est avec la servitude incomplète. Quiconque alors trouve un bien, qu'il loue donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque trouve autre que cela, alors qu'il ne blâme que sa personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala a informé, et il est le plus véridique en parole, subhanahu wa ta'ala, qu'il suffisait à son serviteur. Donc plus la personne aura donné le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à la servitude dans l'aisance et dans la difficulté, plus elle aura la suffisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc chacun peut voir sa personne et voir où il en est quant à la suffisance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il obtient. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce immense et qu'il nous permette d'obtenir ces rangs-là et de nous réformer et de donner à Allah subhanahu wa ta'ala son droit à l'adoration, à la servitude, dans l'aisance, tout comme la difficulté. Et donc, par la suite, le troisième état dans lequel le serviteur va se trouver est lorsqu'il aura commis une faute ou un péché. Alors, à ce moment-là, il lui incombe, il est obligatoire de se repentir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous cite pour ce point donc qui est le fait de se repentir après avoir commis une faute ou un péché, une chose à travers laquelle Shaitan a pour but de faire tomber l'enfant d'Adam et de le mener à sa perte. Il nous cite, rahimahullah, que parmi les immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur, le fait que lorsqu'il veut un bien pour son serviteur, il lui ouvre, après ce péché qu'il a commis, des portes du repentir, du regret, du rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala, de l'humiliation, du besoin d'Allah, de la demande d'aide, du fait de chercher refuge auprès de lui de manière véridique, de la supplication constante, l'invocation et le fait de chercher à se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala par ce qu'il peut comme bonnes actions. Ce par quoi cette mauvaise action qu'il a commise devient pour lui une cause de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. À tel point où l'ennemi d'Allah, donc Shaitan, disent « Si seulement je l'avais laissé et ne l'avais pas fait tomber dans ce péché. » Et ceci est le sens de la parole d'un salaf qui a dit « Certes, le serviteur accomplit un péché par lequel il entre au paradis. Et il accomplit une bonne action par laquelle il entre en enfer. » Ils lui ont dit « Comment cela est possible ?» Il répondit « C'est-à-dire qu'il accomplit un péché, puis il ne cesse d'y penser, pris de peur, de crainte, de pleurs, de regrets, en éprouvant de la honte face à son Seigneur subhanahu wa ta'ala pour cela, en ayant la tête rabaissée devant son Seigneur, le cœur brisé pour lui, et cela sera alors pour lui plus profitable qu'un grand nombre d'actes d'obéissance, du fait de ce qu'il va découler de ce péché, comme chose citée, par lesquelles se concrétise le bonheur et la réussite du serviteur, jusqu'à ce que ce péché soit une cause de son entrée au paradis. Et à l'inverse, le serviteur accomplit une bonne action, puis il ne cesse de se vanter d'elle devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, de s'enorgueillir, de voir qu'il a un mérite dans cela, d'être pris de vanité, de se comporter de manière arrogante, de dire « j'ai fait et j'ai fait telle chose ». Puis cela lui fait hériter l'autosatisfaction, l'ujb, l'orgueil, la vanité, l'arrogance qui seront la cause de sa perte. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à cette pauvre personne, alors il l'éprouve par une chose par laquelle il le brisera et fera qu'il se rabaisse devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il rabaisse son âme devant lui subhanahu wa ta'ala. Et si il lui veut autre que cela, alors il le laisse, lui et son autosatisfaction et son orgueil, et cela est l'abandon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le mènera à sa perdition. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, nous voyons de manière claire à travers cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait part de ses bienfaits à son serviteur, même dans l'épreuve et même dans le péché qu'il a pu commettre. Car le serviteur qui est celui à qui Allah a accordé la réussite et la clairvoyance, c'est que l'épreuve par laquelle il est touché est en réalité pour lui, s'il patiente et l'endure, un bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera et lui accordera d'immenses récompenses. C'est pour ça que certains salafs ont dit que la personne n'aura pas une réelle science et une réelle compréhension de la religion jusqu'au moment où elle considérera que l'épreuve par laquelle elle a été touchée est meilleure que le bienfait par lequel il a été touché. C'est-à-dire qu'il sait que l'épreuve, en réalité, est un bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il patiente et il endure. Pareil pour le péché qu'il va commettre. Si jamais il se repent Allah subhanahu wa ta'ala et se corrige, alors ce péché sera bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala pour lui une cause de miséricorde, une cause d'élévation provenant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est le cas de Abuna Adam, notre père Adam alayhi salam, qui, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, a péché, puis s'est repenti en disant Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Notre Seigneur, nous avons certes été injustes envers nos âmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, alors nous serons certes du nombre des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'après cela, il l'a choisi, il l'a guidé, subhanahu wa ta'ala, et a accepté son repentir. Donc Adam alayhi salam a été, après le péché qu'il a commis, meilleur. Donc cela est pareil pour toute personne qui fait un repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le péché ou la faute qu'elle a pu commettre. Et comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan, Shahrul Maghfira, le mois du pardon, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos fautes, de nous accorder la réussite dans ce mois, de nous élever en degré, de nous combler nos manquements, de voiler nos défauts. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وبإذن الله تبارك وتعالى. Dans le prochain cours, nous commencerons avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala la citation des mérites et profits cités par l'auteur rahimahullah concernant l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.